Tiens, voici le quotidien de la voix du commentateur de Tour de France. Voilà. Donc comment ça se passe quand il a fini son Tour de France et qu'il rentre chez lui et qu'il est en voiture? Ah, d'accord. Oh là là, je suis en plein milieu du peloton de tête. Apparemment, je suis au kilomètre 14 et beaucoup de monde est là. Derrière, le groupe Eto se rapproche. Si la jonction se fait, je serai bloqué. Je vais vraiment être à la bourre. J'ai plus qu'une solution. Je monte sur le trottoir et je fonce. Je fais une formidable remontée. Ah, j'entends la police qui vient autour de moi pour ouvrir le passage à travers les spectateurs. Merci les gars! Arrêtez-vous, sortez du véhicule! Oh non, pas maintenant! Le contrôle antidopage! Pas de borne de la ligne d'arrivée, non! Quelle déception! Eh oui, le mec ne s'arrête jamais. Bien sûr. Bah, accueille pas tout le temps en voiture, des fois il est au bureau, le commentateur de vélo. Salut à tous! Je me prépare à monter des escaliers pour rejoindre la compta! Les escaliers avec une côte à plus de 30%! Une grosse difficulté! Ouais. Mais je vais y arriver! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe! Une chute qui va me faire perdre du temps. Oula, alors que le reste du bureau va passer pour récupérer leur chèque. Il est à fond. Ah, c'est pas facile. Le problème, c'est qu'il est à fond tout le temps. La question, c'est comment ça se passe quand il est avec madame le soir au lit. Très tard. Je vais te grimper la côte, tu vas la sentir. Oula, la première difficulté. Je décide de changer de braquet. Je passe en gros plateau. Ça y est, ça vient. Le sprint final est lancé. C'est le dernier effort. Allez, allez. Oh putain. Viens là toi, je vais te refaire le maillot. Oh non.